On y va ? Demande Julien. Ok, répond Sébastien. Plongé dans ses pensées, Sébastien monte lentement les marches taillées dans le rocher. Son regard erre sur la ville en bas et sur le paysage vaste et ondulé. Peut-être que le meurtrier y vit, bien caché. Peut-être pas loin d'ici. Vous avez faim ? Demande Daniel à la ronde. Une faim de loup, répond Thierry. Alors, on va au restaurant. Vous l'avez bien mérité, dit Alex. Et qu'est-ce qu'il y a au menu ? Demande Daniel curieux. Un repas typique d'Auvergne, la potée auvergnate. Quoi ? Daniel ne peut pas cacher sa déception. Attendez, elle est préparée d'une façon délicieuse, avec du chou, du saucisson, de la viande de porc, des carottes, des navets, des pommes de terre, du céleri, des oignons et de l'ail. Et qu'est-ce qu'il y a comme dessert ? J'aimerais une grande coupe de glace, s'écrie Thierry. Et moi, une mousse au chocolat, dit Daniel. On ne sert ni l'un ni l'autre, dit Alex. J'ai commandé du clafoutis. Qu'est-ce que c'est le clafoutis ? Demande Luc. C'est un flan aux cerises ou bien aux pommes, ajoute Alex. Voilà, on est arrivé. Prenez place et bon appétit !